il augmente par tous les moyens le nombre de ses partisans. Afin de rester le parent et l'ami de Pompée, il lui offrit la main d'Octavie, petite-fille de sa sœur, qui avait été mariée à Gaius Marcellus, et il lui demanda pour lui-même la main de sa fille, destinée à Faustus Sylla. Tous ceux qui entouraient Pompée, et presque tous les membres du Sénat, César les avait fait ses débiteurs, sans leur demander d'intérêt ou en acceptant d'eux qu'un intérêt modique. Il faisait aussi de magnifiques présents aux citoyens des autres ordres, qui se rendaient auprès de lui sur son invitation ou de leur propre mouvement. Sa libéralité s'étendait jusque sur les affranchis et les esclaves, selon ce qu'ils avaient de crédit sur l'esprit de leur maître ou de leur patron. Les accusés, les citoyens perdus de dettes, la jeunesse prodigue ne trouvait qu'en lui un refuge assuré, à moins que les accusations ne fussent trop graves, la ruine trop complète, les désordres trop grands, pour qu'il pût les secourir. À cela, il disait ouvertement qu'il leur fallait une guerre civile.